Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Dernier jour de Monsieur l'abbé Henri Pérève. On demande de tous côtés à la famille et aux amis de Monsieur l'abbé Pérève des détails sur les derniers jours de cette existence déjà si précieuse à l'Église et à tant d'âmes pour lesquelles il s'est sacrifié. S'ils avaient suivi leurs premiers sentiments, ils auraient gardé pour eux et pour un cercle intime des souvenirs si douloureux et si délicats. Mais ils ont réfléchi que celui qu'ils pleurent était prêtre, et qu'à ce titre sa mort, aussi bien que sa vie, appartenait à tous pour l'édification des fidèles et pour la gloire de Dieu. Sa vie, ils la raconteront plus tard. Ils se sont décidés à parler dès aujourd'hui de sa mort. 6 juillet 1865, octave de la fête des saints apôtres. L'abbé Pérève est revenu précipitamment de Pau, où il était allé passer l'hiver le dimanche 9 avril, jour des rameaux. Sa famille et ses amis, trompés depuis plusieurs mois par les lettres rassurantes et pleines d'illusions qu'il leur écrivait, furent atterrés de l'état dans lequel ils le revirent. Dès le premier moment, leurs alarmes furent extrêmes, et les médecins ne les calmèrent pas. La maladie dont il était atteint depuis plusieurs années avait fait des progrès rapides. L'abbé Pérève ne voyait pas son état et croyait à une indisposition passagère. Aussi trompait-il les ennuis de la maladie par des projets d'avenir. Il prétendait reprendre son cours à la Sorbonne dans le deuxième semestre qui allait commencer. Et, dans tous les cas, il songeait au discours de rentrée de la faculté de théologie qu'il devait prononcer. Il choisissait son sujet et esquissait son plan. En vain, autour de lui, on essayait de l'alarmer afin de lui épargner l'imprudence d'une sortie, d'une trop longue conversation, d'un travail de tête prolongé. Cependant, il fallut bien reconnaître au bout de quelques semaines que le mal ne cédait pas aux efforts de la science. On emmena l'abbé Pérève à la campagne. Avant de partir, il voulut faire ses Pâques, que l'impossibilité de rester à jeun la nuit lui avait fait retarder jusque-là. Il espérait être assez fort pour accomplir ce grand devoir, en disant lui-même la sainte messe le dimanche du bon pasteur. Et n'osant monter à l'autel sans être assisté, il m'avait écrit la veille pour me prévenir. Au dernier moment, ses forces le trahirent, et il dut se borner à se confesser. Nous restâmes longtemps ensemble, et il fut convenu qu'il communierait le lendemain. En effet, le lundi, premier jour de mai, il vint, pouvant à peine se soutenir avec l'appui de mon bras, faire ses Pâques à ma messe, dans la petite chapelle des Pères de Sion, voisine de sa demeure. Il partit ensuite pour Épinay, où, après un mieux peu sensible et qui d'ailleurs fut de courte durée, on dut se convaincre que les remèdes étaient impuissants et que tout espoir était perdu. Ces tristes nouvelles ne tardèrent pas à se répandre, et une touchante reconnaissance inspira aux fidèles sur plusieurs points de Paris la pensée d'unir leurs prières pour obtenir la conservation de cette jeune vie qui leur était chère. Nous ne saurions trop, en écrivant ces lignes, leur exprimer ainsi qu'aux communautés religieuses du diocèse qui s'associèrent à cet élan spontané, la profonde gratitude de la famille de M. Pérève et la nôtre. À partir de ce moment, l'abbé Pérève comprit qu'il s'était trompé sur le caractère de sa maladie, qu'elle était beaucoup plus grave qu'il ne l'avait cru d'abord, et l'idée de la mort se présenta pour la première fois à son esprit. Elle ne l'épouvanta pas un instant. Il disait alors à celui qui avait été avec moi son plus ancien et son plus intime ami « Pendant toute cette semaine, j'ai pensé à la mort, et je l'ai acceptée sans amertume et sans effroi. Oui, tout ce temps, j'ai entendu en moi le responsum mortis. Je suis bien reconnaissant des prières qu'on fait pour moi, mais je ne demande pas la vie. Il m'est impossible de prier à cette intention. Si je devais vivre, cependant, je crois, j'espère que je serai meilleur. Mais peut-être que cela même est une illusion. Je suis un pauvre malade perdu, à qui tout semble facile, et qui accepte tout aisément pourvu qu'on le rappelle à la vie. Une seule chose l'attristait parfois, dans la perspective de la mort, c'était, comme l'éprouvent toutes les âmes pures à l'approche de la sainteté divine, le sentiment de son indignité et le souvenir de ses péchés. Il fallait relever son courage et le rassurer en lui parlant de la miséricorde de Dieu. Et alors il ajoutait volontiers. En effet, moi qui prêche tant aux autres la miséricorde de Dieu. Je dois m'y confier. » C'était une peine sensible pour lui de ne pas pouvoir faire la Sainte Communion aussi souvent qu'il l'eût désiré. Il ne s'en consolait qu'en disant « Les missionnaires sont eux-mêmes obligés, parfois, de passer de longtemps sans communier. Et puis, on sent aussi Dieu par la privation. » Les forces diminuaient de jour en jour. Il ne pouvait presque plus sortir dans le parc de la maison qu'il habitait. Il passait de longues heures seul dans sa chambre, se livrant tout entier, ce qui était assez nouveau pour sa nature expansive, aux attraits de la solitude, et disant, comme le père de Ravignan, « Jamais je ne m'ennuie. Le temps ne me paraît pas long. Je pense et je prie. » Mais cette solitude qu'il défendait doucement contre la tendresse de ceux qui l'entouraient et contre l'empressement de ses plus nobles relations, elle lui était comme sa vie, moins chère que les intérêts divins auxquels il était consacré. Un jour, on vit arriver à Épinay un élève de l'école militaire de Saint-Cyr. Il venait frapper à cette porte qui s'ouvrait si difficilement. Pour lui, elle fut aussitôt ouverte. C'était une âme qui avait sans doute touché autrefois à Sainte-Barbe la parole de ce prêtre. Le pauvre malade mit tendrement à son service le peu de force qui lui restait. Ce fut le dernier acte de ministère sacerdotal que put accomplir l'abbé Pérève. Et il nous donne un droit de plus de dire de notre ami ce que monsieur le comte de Montalembert a dit du père Lacordaire. Cette belle âme a eu cela de commun avec Dieu, qu'elle a surtout aimé nos âmes. Domine, quae amas animas nostras. Le jeudi 25 mai, fête de l'Ascension, à l'issue d'une neuvaine qui se terminait ce jour-là, on proposa au malade, avec les plus vives instances et d'une manière inattendue, de se soumettre à un traitement nouveau et spécial. Il hésita beaucoup, et, après s'y être enfin décidé, dit à son ami le père Charles Perrault, je me suis demandé, comme je le fais très souvent, ce qu'aurait fait le père Lacordaire à ma place. Il me semble qu'il aurait vu là une indication de la Providence. Il revint peu de jours après s'installer à Paris, afin d'être plus facilement sous la main du médecin. Mais les efforts de la science devaient être ceux qu'ils avaient été jusque-là, impuissants à triompher d'un mal trop ancien et trop profond pour pouvoir être conjuré, et dont les ravages étaient de jour en jour plus sensibles. Au bout de 15 jours environ, le mercredi 14 juin, l'abbé Pérève éprouva le matin, sans en avoir conscience, une syncope qui effraya extrêmement sa sœur. Elle m'envoya chercher, me confia ses alarmes, et me pria d'aller à Épinay, conférer de son état avec ses parents. Madame Pérève, retenue près de son mari dont la santé réclamait impérieusement sa présence, n'eut dans l'extrême douleur où la plongeait l'expression de nos vives inquiétudes, que la consolation de penser qu'aucune des grâces de Dieu ne manquerait à son bien-aimé fils. Je revins à Paris avec la mission d'avertir notre cher malade. Quelque forte que soit une âme, c'est une tâche rude et douloureuse que de la mettre solennellement en présence de la mort. Mais j'étais résolue à faire mon devoir de prêtre et d'ami. J'entrai près de l'abbé Pérève. C'était dans un moment où il se trouvait extrêmement faible. Aussi me dit-il en me voyant, « mon ami, seulement quelques minutes aujourd'hui. » Quelques minutes, c'était bien peu, pour lui dire une vérité si grave. Je ranimais cependant mon courage, et je commençais par constater avec insistance les progrès du mal depuis plus de 2 semaines. À chacune de mes paroles alarmantes, il trouvait une réponse calme, mais qui témoignait d'une confiance que je ne pouvais pas partager. Je priais Dieu intérieurement de venir à mon aide. Il m'envoya ce secours par le malade lui-même qui, s'attendrissant tout à coup, me dit, sans aucune liaison avec ses réponses précédentes, « Ah, une des choses qui me coûte le plus en m'en allant, c'est de te laisser si seul dans la vie. » Je pleurais avec lui, mais en ayant la force d'ajouter, « Mon cher ami, puisque pour la première fois tu me parles si nettement de la possibilité de ta mort, permets-moi de t'avouer que nous avons aujourd'hui les plus vives inquiétudes. » Il me regardait et me dit simplement, « Tu crois ?»« Oui, c'est notre impression à tous, car tu as eu une syncope effrayante ce matin. » « Ah, tu m'étonnes, je te l'avoue. » Je me croyais mal, mais pas si près de la mort. C'est très bien, tant mieux. Alors, il faut me donner le saint viatique et l'extrême onction. C'est ma pensée. À qui veux-tu que je demande pour toi ce service? Mais à toi-même, reprit-il. Seulement, il faut prévenir Charles afin qu'il soit présent à ce grand acte de ma vie. Il est là, dis-je, qui attend l'issue de notre conversation. Ah, fit-il encore avec un mouvement d'étonnement. Alors, tout de suite. Puis il ajouta. Mon pauvre ami, comme je te remercie. Ce que tu viens de faire n'est pas le moindre service que tu m'aies rendu dans ta vie. Je comprends ce que tu as dû souffrir. Merci. Alors, il fit entrer le père Charles Perrault et le tint longtemps embrassé. J'allais chercher les saints sacrements à Saint-Sulpice, sa paroisse. La paroisse de notre enfance, de notre première communion. Celle où, jeunes gens, nous avions prié et pleuré ensemble. Où nous avions demandé à Dieu d'affermir notre foi et de protéger notre vertu. Où si souvent nous avions apporté nos serments de fidélité à Jésus-Christ. Et qui enfin nous avait vu tous deux recevoir la consécration sacerdotale. Toute notre vie de chrétien était là, et déjà l'un de nous allait y chercher pour l'autre le secours divin des dernières heures. Lorsque je revins, je trouvai mon ami levé dans un fauteuil. Il avait voulu témoigner ainsi de son respect pour cette visite suprême du Dieu qu'il allait recevoir. Il fit sortir tout le monde, se confessa de nouveau, pardonna comme le divin maître avait pardonné sur la croix, et récita avec moi le Magnificat. Sa sœur et le père Charles Perrault revinrent près de lui, l'une absorbée dans les larmes de sa tendresse et de sa piété, l'autre à genoux, soutenant sous le regard de notre ami le livre où il avait exprimé le désir de suivre les cérémonies et les prières de l'extrême onction afin d'y répondre lui-même. Je commençai l'administration des derniers sacrements, lui laissant pour unique préparation savourer à loisir le magnifique langage que l'Église tient à ses enfants lorsqu'ils touchent aux portes de l'éternité. Avant de lui donner le saint viatique, je l'invitai à faire comme il est d'usage pour les prêtres, sa profession de foi par la récitation du credo. Il le prononça d'une voix ferme et avec un recueillement profond. Puis il fit signe qu'il voulait parler. Il dit « Je demande pardon à mes parents, dont je regrette tellement l'absence en ce moment, des torts que j'ai eus envers eux et du chagrin que j'ai pu leur causer. Je demande pardon à mes amis des fautes qu'ils m'ont vu commettre. Je les remercie de leur constante affection et je leur demande de prier longtemps pour moi après ma mort. Qu'ils ne se disent pas, comme on dit trop souvent et trop promptement, il est au ciel. Qu'ils prient, et beaucoup, pour moi, je les en conjure. Et vous aussi, mon domestique Théodore, je vous demande pardon des scandales que j'ai pu vous donner. Vous m'avez vu de près. C'est une mauvaise manière de voir les hommes. Je me recommande à vos prières. Nous récitâmes ensuite le Te Deum, le chant de l'action de grâce pour la vie du temps avant la réception du pain de la vie éternelle. Sans doute, en ce moment, toutes les bénédictions privilégiées que Dieu avait versées sur lui durent se représenter comme un doux souvenir à l'esprit de notre ami. Il pensa aux bienfaits de l'éducation chrétienne qu'il avait reçue, à la tendresse de ses parents, à cette sœur ange tutélaire de sa vie si uniquement aimée, à ses compagnons de son enfance et de sa jeunesse, auquel il avait tour à tour demandé et prêté l'appui que se donnent les cœurs unis en Jésus-Christ. À cette grande amitié du Père l'accordèrent qui, à l'heure terrible de l'effervescence des passions, était venue, avant qu'il en eût senti le besoin, lui apporter le secours décisif du génie et de la vertu, à toutes ces affections illustres qui avaient suivi celle-là, comme pour lui faire cortège, et qui étaient entrées pour une noble part dans la joie, dans l'autorité, dans l'honneur de cette jeune vie. Enfin, à cette renommée naissante qui pouvait faire présager pour lui la gloire d'être un jour un grand et utile serviteur des âmes, de la patrie et de l'Église. Oui, j'en suis assuré, toutes les grâces que Dieu lui avait prodiguées ne le trouvèrent pas sans reconnaissance, car ce fut avec un accent pénétrant de foi et d'amour qu'il acheva le cantique sacré, 10 ans avant d'accepter la Sainte Hostie. In te, Domine, speravi, non confondar in aeternum. Lorsqu'il eut reçu le corps du Sauveur, son visage resplendit d'un éclat céleste pendant son action de grâce, qu'il termina en me disant « Tu ne saurais croire dans quelle joie intérieure je suis, depuis que tu m'as appris que j'allais mourir. » J'informai le soir même Monseigneur l'archevêque de Paris de l'état de notre cher malade. Sa grandeur en fut vivement émue. Me dit qu'elle perdait en lui un prêtre, sur lequel elle comptait d'une manière particulière pour le service du diocèse, et que sa première sortie serait le lendemain pour l'abbé Pérève. Prévenu de l'honneur que devait lui faire Monseigneur, l'abbé Pérève voulut par respect se revêtir du costume ecclésiastique, dans toute sa rigueur, pour recevoir son évêque. Aussitôt qu'il l'aperçut, sans compter avec sa faiblesse extrême, il se précipita du lit sur lequel il était étendu à ses genoux, en réclamant sa bénédiction, avant que sa grandeur, malgré son paternel empressement, pût s'opposer à cet acte de pieuse vénération. Il voulut rester seul avec Monseigneur, qui daigna l'entretenir longtemps, et ce fut seulement plus tard que j'appris combien il avait été touché et reconnaissant des bontés de sa grandeur. Les jours qui suivirent, il reçut la visite du révérend père Petetto, supérieur de l'oratoire, qui avait présidé à sa première éducation sacerdotale, du révérend père Gratry, dont il avait été le si fervent disciple, de Monseigneur l'évêque de Surat, doyen de la faculté de théologie, qui devant nous lui donna les plus pénétrants témoignages de sa tendre affection. Pendant le cours de cette dernière maladie, M. le comte de Montalembert, le prince de Breuil, M. Augustin Cochin, Mgr Buquet, M. l'abbé Lagarde, vicaire général, M. le curé de Saint-Sulpice, le général Zamoïski, le comte Plater, M. Auguste Nicolas, et cent autres n'avaient cessé de lui prodiguer l'expression la plus vive de leur sympathique intérêt. L'abbé Pérève voulut aussi faire ses adieux à quelques-uns de ses vieux amis. Il écrivit à un de ses anciens camarades de collège, le priant de venir le voir, mais l'avertissant, comme en se jouant, qu'il le trouverait entre la vie et la mort. Il demanda le docteur Charles Ozanam, dont les soins habiles et affectueux l'avaient si souvent depuis 15 ans disputé à la mort, et se recommanda au souvenir de son affection et à ses prières. M. Charles Ozanam, voyant bien que les secours de la science étaient impuissants pour sauver son ami, lui parla avec la foi si vive de sa famille de guérisons miraculeuses qui avaient eu lieu l'année précédente à la chasse de Saint-Vincent de Paul, de celle entre autres de la nièce de M. le général Caminade, et lui conseilla de se faire transporter près des reliques de cet illustre patron du clergé. L'abbé Pérève accepta cette idée sans enthousiasme, mais avec une pieuse confiance, et me pria d'aller demander les autorisations nécessaires à M. le supérieur général des lazaristes, qui me les accorda avec un très cordial empressement. La mort alla plus vite que les supplications que nous devions porter à Dieu, et devança la fin d'une neuvaine que Mgr l'évêque d'Orléans commença lui-même en célébrant la messe le lundi 19 à l'autel de Saint-Vincent-de-Paul. Un autre vieil ami, le père Adolphe Perrault de l'oratoire, fut aussi réclamé par le pauvre mourant qui lui dit « Cher ami, j'ai voulu te voir pour te faire mes adieux. Nous ne cesserons point, n'est-ce pas, de travailler ensemble à la cause de Dieu et de l'Église ? Je devrais être dans un grand trouble à cause de mes péchés. Et néanmoins, je me sens dans une paix profonde. Avant de me quitter, donne-moi ta bénédiction. » Volontiers, lui répondit le père, mais à condition que tu me donneras la tienne. Et ces deux prêtres se séparèrent pour ne se revoir que dans l'éternité, se bénissant l'un l'autre et baisant réciproquement leurs mains, consacrées par l'onction sacerdotale et par le sang de Jésus-Christ. Le samedi 17 juin, 3 jours après l'extrême onction, l'abbé Pérève tomba dans un mutisme qui m'inquiéta pour l'état de son âme. Je craignais que l'élan généreux du premier moment ne fût brisé, et que l'amertume d'une mort certaine l'envahît malgré lui. Sans doute, dans ces dernières semaines, nous l'avions vu aimer extrêmement le silence et passer des heures entières seul dans sa chambre, en témoignant le désir de ne pas être dérangé. Je me souvenais également d'avoir vu le père Lacordaire, dans le dernier mois de sa vie, ne permettant que difficilement l'accès de sa cellule et se passionnant en quelque sorte pour le calme, par le désir d'une union plus facile et plus grande avec Dieu. Je pensais que le disciple pouvait bien éprouver le même goût divin que le maître. Cependant, je redoutais l'épreuve du trouble, de la révolte, des angoisses intérieures, et je l'interrogeais. « Non, me dit-il. Dieu me fait la grâce de me maintenir dans le même état de résignation absolue à sa volonté. J'ai bien eu quelques déceptions et quelques tristesses à ne pas mourir après que tu m'as eu averti. Et de temps en temps, j'ai la crainte de perdre la patience si cet état de langueur se prolonge beaucoup. Mais au fond, je m'abandonne complètement. C'est maintenant que je bénis Dieu de m'avoir fait une religion simple, qui va directement à Jésus-Christ et qui se résume en ce seul mot de son agonie, « Fiat ». D'ailleurs, quand mon cœur devient un peu aride, je repasse en mon esprit les grandes idées platoniciennes sur la beauté éternelle, et ainsi la philosophie me soutient à son tour et me ramène à la piété. Le dimanche 18 juin, jour où on célébrait la solennité de la fête Dieu et qu'il passait ordinairement tout entier à Saint-Sulpice, j'allais le voir dans l'après-midi. Il était levé dans son fauteuil, mais extrêmement faible. Il ne tarda pas à vouloir s'étendre sur son lit. Et, ainsi installé, il me demanda de lui lire un passage de la Sainte Écriture, que pendant son séjour à Rome, il aimait à méditer souvent au pied de la croix du Colisée. C'était le 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Peu de temps auparavant, sans formuler autrement sa peine, il m'avait révélé quelques tourments intérieurs en priant ainsi devant moi. « Domine, adauge nobis fidem ». Sans doute c'était pour apaiser cette anxiété d'âme qu'il voulut entendre de la bouche de saint Paul les espérances immortelles de ceux qui ont donné leur foi à Jésus-Christ. Je transcris ici une grande partie de ce chapitre. En le lisant après nous, chacun soupçonnera facilement quels sentiments les paroles sacrées devaient éveiller dans l'âme de ces deux amis, dont l'un attendait la mort et dont l'autre parlait d'une éternité. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas en suivant les inclinations de la chair. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ délivre de la loi du péché et de la mort. Ceux qui sont charnels goûtent les choses de la chair, mais ceux qui sont spirituels goûtent les choses de l'esprit. Or, cet amour des choses de la chair est la mort, au lieu que l'amour des choses de l'esprit est la vie et la paix. Car cet amour des choses de la chair est ennemi de Dieu, parce qu'il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut l'être. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, n'est point à Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est en vous, quoique votre corps soit mortel à cause du péché, votre esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Je suis persuadé que les souffrances de la vie présente n'ont point de proportion avec cette gloire qui sera un jour découverte en nous. Car toutes les créatures attendent la manifestation glorieuse des enfants de Dieu. Nous savons qu'elles gémissent dans cette attente et sont comme dans le travail de l'enfantement. Et non seulement elles, mais nous encore qui possédons les prémices du Saint-Esprit, nous gémissons en nous-mêmes attendant l'adoption divine et la rédemption de nos corps. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelés par son décret pour être saints. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Après cela, que pouvons-nous dire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment, avec lui, ne nous donnerait-il pas aussi tout bien? Qui accusera les élus de Dieu, puisque Dieu les justifie? Qui les condamnera? Ce ne sera pas Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui siège à la droite de Dieu, et qui lui-même intercède pour nous? Qui donc nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce les traverses, les amertumes, la faim, le dénouement, le péril, la persécution, le glaive? Selon qu'il est écrit, on nous fait mourir tous les jours à cause de vous, et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais parmi tous ces maux, nous demeurons victorieux par la grâce de celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni la violence, ni tout ce qu'il y a au plus haut des cieux ou au plus profond des enfers, ni enfin une créature quelconque, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est fondé sur Jésus-Christ notre Seigneur. À ce verset, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je levai les yeux vers mon ami pour voir quelle impression produisaient sur son âme ces paroles qui remuaient profondément la mienne. Nos regards se rencontrèrent, ils étaient pleins de larmes. Nous nous serrâmes la main en silence et je continuai. Mais chaque phrase nous apportait une nouvelle et plus profonde émotion. Comme entre les disciples d'Emmaüs, Jésus-Christ était entre nous. Il parlait et notre cœur brûlait sous le feu de sa parole. Je pouvais à peine poursuivre le texte sacré, et lui pleurait doucement en silence. Les derniers mots, ni la mort ni la vie, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, portèrent à son comble le trouble de notre cœur. Nous éclatâmes en sanglots, et lui, me serrant la main, me dit « Ah, laisse-moi seul avec Dieu. À demain. » Je m'éloignais avec respect lorsqu'il s'écria « Ou plutôt, apporte-moi la communion. » J'allais en toute hâte chercher la sainte hostie. Je la déposais sur ses lèvres, et sans troubler d'un mot ce grand et solennel silence de nos âmes, je le laissais dans la paix de l'action de grâce, demandant intérieurement à Dieu de le prendre avec lui cette nuit même. Mon ami n'avait pas assez souffert. Ma prière ne fut pas exaucée. Les jours suivants se passèrent dans l'attente de la mort. Il disait au père Charles Perrault « Je vois bien maintenant combien il m'est utile de m'être accoutumé à penser souvent à la mort, comme à une chose douce et désirable. Et une autre fois, je n'ai jamais éprouvé de si grand dépit que de voir tous ces jours-ci que je ne pouvais mourir. » Sa maigreur extrême lui causait une souffrance perpétuelle. Ses quintes de toux étaient une véritable torture qui semblait devoir briser sa poitrine. Il ne se plaignait pas plus qu'il ne l'avait fait jusque-là, et disait encore au père Charles Perrault « Je me représente la volonté de Dieu sous cette image. C'est une citadelle sur une roche très élevée. Je m'y réfugie, je m'y renferme et je dis « Je ne connais plus rien autre chose. » Et encore, ah, qu'il fait bon d'être chrétien. Je ne l'avais jamais senti à ce point. Tu pourras prêcher cela toute ta vie. » Vers le milieu de la semaine, un mieux fatal, précurseur assez ordinaire de la mort dans les maladies de poitrine, ranima dans l'esprit de notre malade les illusions de vie qu'il avait si volontiers et si facilement abandonnées naguère. Il me les exprima ainsi. C'est dommage. Je m'étais habitué à la pensée de la mort. Je vivais avec elle et elle me rendait heureux. Maintenant, c'est un sacrifice plus dur à faire. Il va falloir accepter une triste et misérable vie. Quel être chétif et inutile je vais être pendant longtemps. Ce sera l'affaire de 2 ans au moins pour revenir de cette profonde ruine. Ah, j'aimais mieux la mort. La vie, cependant, me sourit par un côté. Je la mènerai meilleure. Je serai plus prêtre. Je tâcherai de faire plus de bien. Et surtout de le faire mieux. Enfin, que la volonté de Dieu soit faite dans la vie comme dans la mort. Ces illusions qui provoquaient de si nobles sentiments ne purent pas durer. La maladie reprit son cours et les forces déclinèrent plus rapidement que jamais. Le dimanche soir, la religieuse qui le gardait m'avertit qu'elle le trouvait beaucoup plus mal et qu'elle avait des inquiétudes pour la nuit. Je résolus de ne plus le quitter d'un instant. J'allai vers lui. Il m'accueillit avec un sourire mélancolique, me disant « Je suis bien faible. Cependant, par certains côtés, il y a du mieux. J'ai senti aujourd'hui mes nerfs, ce que je n'avais pas éprouvé depuis 3 mois. Je voudrais bien avoir une bonne nuit. » Je le quittai en l'embrassant et en le bénissant, sans lui dire, pour ne pas l'inquiéter inutilement, que j'allais rester dans une pièce voisine. La nuit fut mauvaise et agitée. Aussi, le lendemain matin, la faiblesse était-elle extrême. Et la sœur me chargea de prévenir sa famille que peut-être il ne passerait pas la journée. Elle ne se trompait pas. C'était le lundi 26 juin. J'allais dire la messe pour lui à l'église la plus proche, craignant tout. À mon retour, j'entrai près de lui. Sans doute, je n'étais pas assez maître de mon émotion, car il s'en rendit compte et, me fixant d'un air résolu, il me dit « Y a-t-il du nouveau? Je veux savoir la vérité. » « Non, repris-je, rien de très extraordinaire. mais je te trouve changé depuis hier soir, je suis inquiet. En effet, je me sens beaucoup plus faible. Sans doute dans mon état, l'épuisement est naturel après une nuit sans sommeil. Mais cependant, j'éprouve des sensations étranges, comme une dislocation sourde au fond de l'être. Eh bien, je vais prendre un peu de repos. Adieu. Soit, lui dis-je, mais je ne m'éloignerai pas. Je resterai près de ton lit ou dans la pièce voisine. Pourquoi cela? Je suis donc beaucoup plus mal? Peut-être. Je ne veux pas te quitter. Tu peux avoir besoin de moi, désirer te confesser ou communier. D'ailleurs, la sœur m'a recommandé de rester jusqu'à son retour. Ah, je comprends, merci. Alors, ce sera pour aujourd'hui. Eh bien, il faut me préparer à la grande lutte et aller me chercher de suite le Saint Viatique. Je le confessai une dernière fois en lui appliquant l'indulgence plénière à l'article de la mort, ce qui était lui dire le dernier mot de sa situation. Il reçut ensuite la Sainte Communion avec une grande ferveur et une grande paix, demandant, comme il le faisait toujours, à rester quelque temps avec Dieu seul. Dans la matinée, il réclama le Père Charles, s'entretint intimement et tendrement avec lui. Mais la vie baissait d'une manière sensible et avec rapidité, sans secousse ni crise. Il éprouvait cependant une souffrance générale qui le faisait gémir et dire quelquefois « que je souffre ». Et de suite après, mais à la volonté de Dieu. Lorsque son médecin vint, il lui dit « Au point où nous en sommes, je n'ai plus à vous demander qu'un peu de soulagement, car il y a des instants où vraiment je souffre trop, et j'ai peur de perdre la patience. » Dans l'après-midi, il réclama de moi, comme il l'avait fait à plusieurs reprises, de la religieuse et du père Charles, mais avec plus d'insistance que jamais, la vérité sur son état. Je ne crus pas devoir résister à une volonté exprimée avec tant de persistance et de force d'esprit, ni priver cette belle âme du grand bonheur de voir venir la mort, de saluer chacun de ses pas, trop lent à son gré, et de se remettre entre les mains de Dieu dans la plénitude de sa volonté et de son amour. Je lui avouai qu'il ne fallait pas compter sur la nuit, peut-être même pas sur la journée. Il me remercia avec la tendresse la plus vive. Puis il désira être seul. Nous le veillâmes de loin. Il ne tarda pas à faire demander son bon père, si éprouvé par des infirmités qui, en affligeant son corps, laissent son cœur dans toute son ardeur et son intelligence dans toute sa lumière. En le voyant entrer dans sa chambre, notre cher mourant lui dit « Il faut avoir du courage, l'amour c'est la force, et puis, vois-tu, Dieu par-dessus tout. C'est lui qui soutient dans les grandes angoisses. Je le sens plus que jamais à cette heure. » Son père, sa mère et sa sœur s'étant agenouillés auprès de son lit, il les bénit au nom de Jésus-Christ, dont il était le prêtre. Plus tard, il dit à la religieuse qu'il avait entourée de ses soins. « Merci, mille fois merci, ma sœur. Donnez-moi le crucifix. Non, pas le mien, mais le vôtre, celui qui a déjà reposé tant de fois sur les lèvres des mourants. » Puis il le baisa affectueusement en disant « Amen ». Il fit venir ensuite les domestiques, les remercia de leur service, se recommanda à leur prière et les bénit. Monsieur le docteur Gouraud étant survenu, il lui exprima toute sa gratitude pour les efforts que dans ces derniers jours, avec un dévouement d'amis, il avait tenté pour le sauver. Il ajouta même doucement et affectueusement qu'il était inutile qu'il se dérangeât de nouveau. Comme sa mère était près de son lit, il lui dit « Si je meurs demain, ce sera l'anniversaire de ma première communion. » « Cher enfant, répondit-elle en pleurant, j'étais bien heureuse ce jour-là, et toi aussi. » « Eh bien, reprit-il, il faudra encore être heureuse demain. » Enfin, il retint sa sœur à son chevet, lui indiqua quelques modifications à faire au tombeau de famille et lui dicta d'une voix encore nette et assurée son épitaphe. « Satiabor cum apparuerit gloria tua. « Seigneur, je serai rassasié lorsque vous m'aurez manifesté votre gloire. » C'était son âme tout entière qui passait dans ce cri de foi, d'espérance et d'amour. À partir de ce moment, ce fut vraiment l'agonie, douce et paisible, mais l'agonie, la lutte suprême de la vie contre la mort. Les mains de notre ami étaient glacées, le pouls s'affaiblissait et devenait presque insaisissable. L'oppression augmentait, le corps annonçait sa ruine, mais l'âme était encore dans la pleine possession de ses facultés. Elle se tenait unie à Dieu, car de temps en temps le malade approchait lui-même de ses lèvres le crucifix qu'il tenait à la main et disait « Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, prenez-moi, bientôt. Jésus, bientôt. » Et lorsque sa poitrine haletante lui fournissait plus même assez de souffle pour ses courtes prières, il murmurait tendrement le seul mot « Jésus ». Vers 7 heures, le pauvre mourant fit un soudain effort pour se lever à demi sur son lit. Son visage était blême et baigné de sueur, ses lèvres décolorées. Mais son regard ranimé devint étincelant et se fixa avec la plus vive expression de terreur sur un ennemi invisible et présent. Puis il cria fortement par deux fois « J'ai peur, j'ai peur !» Je me précipitai vers son lit lui disant « Non, il ne faut pas avoir peur de Dieu, il faut abandonner entièrement à sa miséricorde et dire « In te domine speravi non confundar in aeternum ». Il me regarda et me dit « Ce n'est pas de Dieu que j'ai peur, oh non, j'ai peur qu'on ne m'empêche de mourir !» Je lui fis baiser son crucifix et il se calma. Je ne tardai pas à me rapprocher de lui et lui présentant la croix du Père Lacordaire qui ne l'avait pas quitté pendant toute cette journée, je prononçai lentement « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, pour le temps et pour l'éternité. »« Oh oui, de tout mon cœur, » répondit-il, en imprimant longtemps ses lèvres sur l'image de notre unique Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce furent les dernières paroles, ce fut le dernier acte de foi et d'amour. Les ombres de la mort voilèrent pour jamais son grand et tendre regard. Elles envahirent sa belle et ferme intelligence, et le mouvement de sa poitrine nous avertit seul pendant quelques minutes que nous n'avions pas encore sous nos yeux un cadavre. Les pères Charles et Adolphe Perrault récitaient les prières des agonisants. Proficiescere, anima Christiana, parte, âme chrétienne, etc. Il était près de 8 heures du soir, les dernières convulsions arrivèrent. Je répétais sur cette âme présente encore sous les liens de la captivité terrestre les paroles sacramentelles « Ego te absolvo a peccatis tuis ». Et bientôt après, ma voix dominant les sanglots de sa famille et de ses amis murmurait au pied du tribunal de Dieu pour celui que nous avions si tendrement aimé « De profundis clamavi a te domine, quia apud dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. » « Seigneur, j'ai crié vers vous, parce que vous êtes la miséricorde et le salut. » L'abbé E. Bernard, premier aumônier du lycée Saint-Louis. Le lendemain, nous trouvâmes dans ses papiers les dernières lignes qu'il est écrites, 10 jours avant sa mort. Les voici. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je meurs dans la foi de l'Église catholique. Au service de laquelle, dès l'âge de 12 ans, j'ai eu le bonheur de consacrer ma vie. Je bénis tendrement mes parents et mes amis. Je conjure tous ceux qui garderont quelques souvenirs de moi, de prier longtemps pour le salut de mon âme, afin que Dieu, détournant ses regards de mes péchés, daigne me recevoir dans le lieu du repos et du bonheur éternel. J'espère cette grâce par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis encore une fois tous ceux qui me sont chers, mes parents, mes bienfaiteurs, mes maîtres, mes pères et mes frères dans le sacerdoce, mes fils spirituels, tant de chers jeunes gens qui m'ont aimé, toutes les âmes auxquelles j'ai été unie sur la terre, par le lien d'une même foi et d'un même amour en Jésus-Christ. Pax vobis.